Et bonjour, bonjour à toutes et à tous dans cette émission 299 de Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille. Je suis Pierrot et je suis accompagné de... De Léna. Salut Léna, ça va bien ? Ça va bien et toi ? Yes, super. Super. Avant cette 300e fatidique qui arrive la semaine prochaine à grands pas, qu'as-tu prévu pour cette belle semaine ? En cette semaine, avant-dernière... Ce vendredi saint. Exactement. J'ai prévu du post-punk shoegaze berlinois. Ensuite, on aura du shoegaze un peu noise, un peu pop new-yorkais. Du jazz hip-hop un peu weirdo de Pologne. De l'électro-pop. Alors, j'ai pas mis le truc, j'ai marqué album. C'est une faute de frappe. Je vous redirai plus tard de où c'est originaire. Et on aura aussi du rap londonien pour terminer, si on a le temps. Voilà, voilà. Good, good, good. Bah, de mon côté, on sera plutôt dans la douceur. Je dis ça, en fait, c'est pas vrai, mais de la douceur, de la nostalgie au programme. On va commencer par de la douceur galloise, puis on partira ensuite dans le monde psychédélique de Panda Beer. On ira ensuite sur le label de Matador Records avec le premier album d'un trio de Chicago qu'on avait déjà évoqué dans l'émission. Ils ont un nom à être à côté de la mer, mais ils sont en plein dans les terres. Retour ensuite dans les années 2000 avec une drôle de réédition du label Numéro Group et on fera une halte à Göteborg pour finir ensuite sur un classique de Jungle, bien entendu si on a le temps, ça fait un gros programme. Eh bien on commence avec Bed qui est un trio originaire de Berlin et qui s'est formé en 2021. Ils viennent de sortir leur tout premier album Everything Hurts sur le label berlinois Bradford Records. Niveau identité musicale, on est sur une vibes un peu dream pop, un peu post-punk et shoegaze aussi, shoegaze des années 90, le tout saupoudré d'ambiance et influencé par la scène rave berlinoise. Ma foi, c'est assez bien exécuté, l'album il est sorti fin mai, on va écouter le morceau Loser et c'est les Bed tout de suite dans Goodbye Kevin. Yeah. C'était Bed avec le morceau Loser, morceau qui fait très post-punk avec la ligne de basse, mais sinon en fait quand t'écoutes un peu le reste de l'album, il y a quand même le côté shoegaze qui est bien présent et dream pop aussi, c'est un peu plus atmosphérique. Voilà, voilà. Ouais, ouais, puis un petit côté électronique rêve, hein, comme t'évoquais au début. Eh, c'est, t'expliques bien en fait. Bah ouais. Il y en a qui font bien leur taf. Ah ouais. Prochain groupe, il s'appelle Quad, voilà, c'est sur des voitures. Et ciao. Pas du tout. Mais il s'appelle effectivement Quad. Quail. Et c'est des... Ah bah, je vais vous le dire. C'est des gars, de Bristol, c'est un quatuor. Et pour leur deuxième album qui s'appelle The Fall Tower, ils sont réfugiés dans une vieille grange en pierre au cœur d'une vallée de montagnes galloises. Très bien. Oh là là. Et ça, bah, ça les a, cet environnement a un peu façonné l'album. Je dirais pas un peu, je dirais même beaucoup. Et c'est un album qui est assez cool pour l'avoir écouté aujourd'hui, donc c'est tout frais, qui est assez rêveur, qui est mélancolique, il y a même une dose un peu d'ambiance naturaliste. Je sais pas, tu sens le vent qui souffle sur tes jambes. c'est très très cool. C'est sur le label AD93, le même que Moine. Oui. Et donc ça vous souligne... Ça vous donne une idée. Une idée, voilà, de comment où on va, quoi. Ouais, voilà. On le sait. Et voilà, on le sait. On va écouter le morceau Beckett de Quad. Et là, c'est interdit au Quad. Non, non, non. On y va tranquillou moulot. Beckett, faut aller au lit. C'était les Quads, avec cette douceur. Chouette album, je vous le conseille fortement. On enchaîne avec Hotline TNT, qui est le projet de Will Anderson, projet créé en 2018 à New York. Donc lui, il enregistre tous les morceaux, il les écrit, et pour se produire sur scène, il a un peu un line-up de musiciens qui tournent, c'est un peu des roulements, donc c'est jamais trop les mêmes à chaque concert ou pendant les tournées, mais du coup, c'est vraiment lui le frontman, et tu as quelques membres récurrents, mais qui ne sont pas tout le temps là. Voilà, ni même, tu vois, dans la compo, les enregistrements. Bref, son troisième album qui s'appelle Raspberry Moon, il est sorti aujourd'hui sur le label Third Man Records. Alors forcément, j'ai pas encore eu le temps de tout écouter, mais j'ai sélectionné quand même un morceau qui s'appelle Break Right et qui est quand même assez chouette. On est sur du shoegaze avec un côté assez pop qui est assez marqué. Nous, comme je l'ai déjà dit, on va écouter le morceau Break Right et je n'ai rien à vous dire de plus. Alors écoutons tout de suite Hotline TNT. Si, il passe à Lille. Ah bon ? On peut dire ça. Quand ça ? Je crois que c'est en novembre. Ah bah très bien. Et bah voilà, à vos agendas. We'll be right back. C'était Hotline TNT avec le morceau Break Right. C'est pas mal, hein ? Chouette, chouette, chouette. Ouais, j'aime bien. Il y a peu, récemment, on avait parlé de Panda Beer. Oui. Et du single Défense. Oui. Eh ben, on va écouter la face B de ce single qui est très très bon. Très bien. Virginia Tech, sorti chez Domino Records. C'est un titre qui réunit Panda Beer, mm-hmm, et des anciens membres de Animal Collective. Ouais. Donc forcément, ça c'est cool, au synthé et aux percussions. Et c'est un prémisse de sans doute un album à venir puisqu'il joue en octobre. En Europe, mais notamment à Lille. Ah, bon, ouais, à savoir. Super. Super, super. Notez tous ces concerts. Panda Beer, Virginia Tech. Spot my direction. Panda Beer et le morceau Virginia Tech. Toujours efficace, hein. Tout à fait. Très bien. On enchaîne avec Blotto. Vous connaissez mon amour pour les groupes. Tu connais mon amour pour les groupes de jazz, un peu hip-hop, un peu weirdo, un peu voilà. Là, j'en ai découvert un nouveau. Il s'appelle Blotto. Il vient de Pologne. Pardon. Et ils se sont formés un peu accidentellement en 2018 lors d'une tournée. Et ils se sont fédérés autour de leur amour du hip-hop et pour les grooves un peu lourds, un peu dark, un peu indus. Et le résultat est très très chouette, très atmosphérique. Ça pourrait très bien servir de BO à un film d'anticipation, je trouve. Moi j'aime beaucoup. On va écouter un extrait de leur dernier album, ce qui est sorti le 6 juin dernier. Ça doit être leur 4e ou leur 5e, j'ai du mal à savoir. Et bref, l'album s'appelle Grisby. Grisby, je ne sais pas, il y a un G, un R, un Z et un Y. Compliqué à prononcer. Et le morceau s'appelle Soplovska. Nous, on va couper les micros et on va rapper dessus. C'est ça, on et peut. Oui, et c'est sorti sur le label Astigmatic Records. Et voilà, c'est effectivement ce qu'on va faire. We'll be right back. C'était Blotto avec le morceau Soplovska, un morceau à écouter au casque ou alors avec un très bon système son si vous voulez profiter de toutes les nappes, de toutes les basses, de tous les petits éléments un peu cachés qu'on n'entendrait pas. Voilà. C'est très... Il y a un côté un peu mystique que oui. Je trouvais dans leur son. Là. J'aime bien, j'aime beaucoup moi. J'en ai oublié de rapper. Partons tout de suite à Chicago. Chicago qui a un nom... leur nom de groupe, quoi, le nom de groupe. Oh, ça va, ça va, ça va. Oh là là, on a un petit bug, c'est la chaleur. C'est la chaleur, c'est Lifeguard. Lifeguard, hein, ils ont un nom de groupe à être sur une côte. Oui, d'accord. Voilà, parce que c'est garde-côte. Bah, bam, bam, quand j'essaye de faire croire que je connais l'anglais. Bon, on les avait déjà évoqués, ces petits gars, puisqu'ils avaient, ils avaient sorti leur EP. En leur double P, oui. En vinyle. Là, ils sortent leur premier album qui s'appelle Repeat and Torn chez Matador Records. Et on reste sur la même formule bien efficace. Hein. C'est un trio d'amis qui se connaît depuis le lycée. Et ils font une musique bruyante et directe qui s'inspire du punk, de la dub, de la pop et d'éléments expérimentaux. Très bien. Et je crois que j'avais déjà bien aimé. Hein. Exact. Et le côté dub, moi je le retrouve, hein, en tout cas sur le morceau qu'on va écouter qui s'appelle How to Say Deezer. C'est pas le dub qui sort en premier, mais l'ambiance, tout ça. Parce que ça reste un côté assez explosif. Mais en tout cas, ils sont bougrement efficaces. C'est un peu les Michael Jordan de la musique, peut-être à Chicago. Lifeguard avec le morceau How to Say Deezer. Lifeguards avec un extrait de leur premier album sorti chez Matador Records. On enchaîne avec Berend Intelmann, qui est un musicien, compositeur et producteur allemand assez présent sur la scène indé allemande depuis les années 90. Il a fait partie de plusieurs formations et il a collaboré avec pas mal d'artistes et sur pas mal de compiles. Depuis 2018, il a élargi même son activité en composant de la musique pour des séries TV et des documentaires, pour te dire un petit peu tout ce qu'il fait. Il a aussi continué à produire des petits albums de ci, de là pendant ce temps-là. Et le dernier, il est sorti le 30 mai sur son label Karaoke Kalk. Enfin, je ne sais pas si c'est son label, il me semble que oui, à vérifier. Donc l'album s'appelle Mother Nature et c'est son premier album solo, figure-toi. Eh ben. Voilà. On en écoute deux extraits, tu vas voir, c'est très électronique mais très pop aussi. C'est assez beau. Le premier morceau, c'est Mother Nature, comme le titre de l'album. Et le deuxième, c'est Life of Another One, et c'est Berend Intelmann. Mother Nature. c'était Berend Dintelman avec Mother Nature et Life of Another One. Voilà, morceau très atmosphérique, peut-être un peu Librari, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, je dirais que c'est un peu comme si Fleet Foxes croisait la librairie musique. Ouais. C'est peut-être par ses productions, quoi, ce qui fait... autre style, pépite, ovni, je ne sais pas comment le qualifier, Xetra. Xetra, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de préadolescentes californiennes qui avait fait des morceaux enregistrés peut-être sur un radio cassette ou enregistrés sur un CDR, gravés sur un CDR dans les années 2000. Donc tu vois un peu l'ambiance, ouais. On est un peu sur des sons Spice Girl, tout ça quoi. En gros, c'est dans cette époque-là quoi. Ok. Et donc c'est des jeunes californiennes qui sont en banlieue, qui ont fait cette musique avec cette atmosphère, cette ambiance des années 2000 de l'époque. Donc c'est teinté. Et en fait là il y a Numéro Groupe qui a ressorti cet album qu'ils ont fait. Cet album qui s'appelle Summer 2000. Et le côté quoi, c'est hyper chouette parce qu'il y a un côté aussi sociologique qui marque une époque. Et quand on écoute, c'est pas non plus les Spice Girls ce qu'elles font. Il y a un côté lofi, bidouillage, psychédélique, qui est très très cool. C'est un drôle de projet. La première écoute, je me suis fait ouh, c'est un peu bizarre. Puis après, même en écoutant le morceau, on se dit oh, mais c'est pas si mal. Et qu'est-ce que c'est ? Donc voilà. On va écouter un morceau qui s'appelle Idiotique, mais je vous conseille d'écouter d'autres morceaux sur cet album. Puisqu'en fait, ça vaut le coup, quoi. C'est une bizarrerie, mais chouette, quoi. Il y avait déjà les deux agriculteurs dans les années 70 qui avaient sorti un album parce que leur père les avait aidés, qui a été réédité des années plus tard. Bah là, on est un peu dans ce même esprit. C'était un album privé entre copines qui a été fait par des jeunes ados. Et là, boum, ils sortent. Donc le groupe, c'est Xetra. L'album, c'est Summer 2000. C'est sorti chez Numéro Groupe. Et nous, on écoute Idiotique. You're so Etcetera avec ce petit retour dans le futur. Je sais pas comment on peut appeler ça. Bah ouais, c'est marrant parce que en fait, j'aurais pas écouté ta présentation, j'aurais pas su dire de quand ça date. Mais oui. Bon, très certainement pas les années 60-70, mais tu vois, il y a un côté. C'est pas trop le. Intemporel. Quoi, je sais pas. Oui, ouais, si on te dit, bah vas-y, écoute, qu'est-ce que tu en penses ? Bah, ça pourrait très bien. Des petits. Des gars sortis là, la semaine dernière. Qui bidouille. Bah ouais. Non, mais déjà, même, je me dis, tu vois, il n'y avait pas autant de technologie à l'époque. T'avais mais le bidouillage est sympa, tu vois. Bah, et puis c'est propre, hein. Ouais, carrément. Bon, après, ça a dû peut-être être remixé et tout derrière. Voilà, il y a par tout. Numéro groupe, ouais. Ok. Mais bon, voilà. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout, effectivement. J'ai essayé de trouver une petite intro, une petite liaison avec mon prochain groupe, mais pas du tout, j'en ai pas. Donc je vais enchaîner. Hein. Il s'appelle James Masia et c'est un poète et musicien basé à Londres, plutôt présent à l'origine sur la scène. Je sais pas si ça se dit slam. En France, ça, mais spoken word. Ouais. En gros, c'était plutôt. Lui, il se produisait plutôt au cours de soirées ou dans des clubs où. C'était des scènes ouvertes, chacun ramène son son, enfin, ses textes et tout, et les déclame comme ils veulent. Très anglais, ça, et même tu vas sur une caisse. Il n'y a pas un truc comme ça où tu vas sur une caisse et tu déclames quelque chose, une idée. Je sais qu'il y a. En pleine rue. Oui. Ouais. Du coup, lui, c'est plutôt cette scène-là, mais en même temps, il se faisait accompagner par une petite bande-son plutôt hip-hop. Et c'est cet attrait-là pour le hip-hop et sa manière de poser sa voix et ses mots dans un style qui est très rapuqué, quoi, au final. Ça lui vaut aussi d'être reconnu sur cette scène-là, cette scène hip-hop rap UK, dans ces cercles-là en tout cas. Et son dernier EP qui s'appelle Bontilo, il est sorti début mai. On va écouter le morceau de Barman. Et pareil, du coup, c'est son deuxième ou son troisième EP. Mais déjà, il avait déjà été remarqué sur les albums précédents. Et voilà. Il a mangé beaucoup de pois chiches, beaucoup d'EP. Ok, d'accord. Donc c'est le morceau Doberman avec James Masia. Et il y a un côté hip-hop, mais il y a aussi un côté très électro dans ses productions. Slipdress, slipping it off. Funk band out here, ready to rock. Dance hall to the hotel, tell me the cost. And I got your bottom if you give me the top. So give me the top, draw tin. Slide out my jaws, man, snorting. Out here on the knees to the floor, tin. With a big red wine for the corking. Francis, girls are a boy's name. I don't care, get your co-star out the frame. Big shot, moonshine into the veins. Wait in the wings and then we're on it again. You know how we did like back in the day. Past lives, Christ incarnate. Chopped in the backseat, yeah we can't mate. To know you're back alone, so you have to wait. See a man about a dough remain. He took way too long, now I'm catting again. Me and my ex, yeah we're chatting again. I gotta stop chatting about it to my new flame. New ting from the ends with a posh name. Work hard for your dosh, then Bosch came. I feel great, took a die as a pain. And so I'll sleep till late and just see if I wake. If I don't, I'll see you at the wake. Life after death like Chris Wallace. Chris Poltergeist, fuck to the grave. Furniture breaks and the room shakes. The one you got. The one you dropped. The one you want. The one you lost. The one you lost. The one you lost. Yeah, yeah. C'était John Macia avec le morceau Doberman. Ouf ouf. Le prochain groupe, ou la prochaine artiste plutôt, pour avoir un nom de hip-hop, puisqu'elle s'appelle Loopsel. Mm-hmm. Fait des loops. Ok. Hein, Sherlock Holmes. Tout à fait. On va écouter Loopsel et un extrait de son deuxième album qui est sorti, ma foi, il y a longtemps, en 2023. Bon, ça va. Deuxième album qui s'appelle Oga for Oga, qui veut dire œil pour œil. Mm-hmm. J'avais écrit eye for an eye. Comme si j'étais pas bilingue. Du tout. Et non. Et donc, qui est Loopsel ? Eh ben, c'est Elling Engström, qui est une musicienne basée à Göteborg. Où ça ? En Suède ? Non, en Finlande ? Göteborg, c'est Danemark ? C'est Suède. Hein. Suède ? C'est Suède. Hein. Peut-être, je mets le doute. Et donc, les membres de plusieurs groupes, les membres du groupe Monoculture, elle est derrière le petit label qui s'appelle Mama's Mysterica Jukebox. Et elle fait également de la musique avec Julius. Julius, on voit pas mal. C'est le Jul de Norvège. C'est lui. On dit it. Ça veut dire en Y en suédois. Non, dit it. Non, Julius, on voit sous, quoi. En tout cas, dans les disquaires, plein de fois, on voit la pochette d'album, quoi, l'album, mm-hmm. où il y a écrit Julius en gros dessus. Voilà, je l'ai vu plusieurs fois. Il y a le premier album qui s'appelle Julius 1, l'autre Julius 2, c'est très simple. Alors que notre Julius a sorti moult albums. Donc c'est un album qui est assez calme en tout cas, de Loopsel. Un album avec des pincements de guitare, un peu naturaliste, très doux, que je vous conseille également, comme Quad en tout début d'émission. Donc on va écouter le morceau Scatman. Scamen, qui est un hommage à quelqu'un qui parlait très vite. Yeah. Bienvenue aux eaux de l'île. Nature et découverte. Vous voulez pas la bombe massage en même temps? National Géographique. Ouais, bon, allez, on va pas tous les faire. C'est la fin de cette émission. Tout à fait. Sélection très atmosphérique par moment. Plutôt doux cette fois-ci. Ouais. C'est en prévision de... La semaine prochaine, on défonce tout. On pète tout. On pète tout. On pète les studios. On pète vos oreilles. Tout. Okay. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Et on vous laisse en bonne compagnie avec le festin.